إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الزواج نعمة من نعم الله ومنة من أجل مننه ومن آياته الجليلة يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل الله الزواج قائما على المودة والرحمة ليكون علاقة دائمة إذ هو أساس بناء الأسرة المسلمة الصالحة والأسرة هي لبنة من لبنات بناء المجتمع المسلم الذي يعمر الأرض بوحدانية الله وعبادته ولضمان استمرارية المودة والرحمة التي هي أساس استقرار الأسرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حسن اختيار الأزواج فقال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم وجعل ميزان الاختيار الدين والخلق فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ولدوام العشرة بين الزوجين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجبر المرأة على الزواج بمن لم ترضه زوجا لها فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إن تسكت وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه عباد الله لما كانت الحياة الأسرية تحتاج إلى قيادة عاقلة تزن الأمور وتقدر المصالح جعل القوامة في يد الزوج يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فقد خلق الله تعالى الرجل وميزه بالتعقل والقيادة وهيأه للسعي في طلب الرزق والإنفاق وخلق المرأة وميزها بالعاطفة والحنان وهيأها لرعاية بيتها وتنشئة أطفالها على الدين والأخلاق الفاضلة عباد الله مع مراعاة المودة والرحمة والاحترام والتبادل بين الزوجين قد يقع الخلاف بينهم في بعض الأمور، عليهما أن يحترم كل منهما رأي الآخر وأن يقدر كل منهما الفضل لصاحبه. فقد قال الله تعالى للزوجين بعد حصول الاختلاف الفراق: ولا تنسوا الفضل بينكم، فكيف وهم في بيت واحد ويرقدان في فراش واحد؟ فإن وقع خلاف بين الزوجين فيجب أن لا يتجاوز الخلاف بينهما حد حجرتهما حتى لا يتأثر بخلافهما من يسكن معهما من أطفال أو غيرهم بما نزغه الشيطان من خلاف بينهما، وليوقنن كل منهما أن عدوهما يستغل ما حصل من خلاف بينهما فيفسد عليهما حياتهما، فينفخ الكبر والتعالي في نفس كل واحد منهما حتى لا يتنازل أحدهما للآخر فيقع الخلاف بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. عباد الله، يجب على الزوج أن يكون عاقلاً منصفاً عادلاً، وعليه أن يتدرج في إصلاح أمر بيته بالنصيحة والكلمة الطيبة الحانية قبل أن يلجأ إلى غيرها من الوسائل، فقد أمر الله بذلك فقال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة إن شعرت بظلم من زوجها أو إحجاف في حقها ولم تستطع التفاهم في ذلك مع زوجها فعليها أن تلجأ إلى الحكماء العقلاء من أهله وأهلها، فقد قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأن يكون تدخل الحكماء بينهما من أجل الإصلاح والتوفيق بينهما لا لزيادة الضغينة والبغضاء والبعد بينهما، فيكون حريصين على سلامة الأسرة واستمرارية العشرة ودوام المودة والرحمة بينهما، كما قال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عباد الله، إذا انقطع سبل الوفاق وتقطعت طرق الإصلاح ولم يبق إلا الفراق، فلا بد أن يكون بعد دراسة وافية للمصالح والمفاسد ونتائج الفراق ومفاسده، كما قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم إن أصرا على الطلاق فلا يبادر لتطليقها، بل عليهما أن ينتظرا حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه أو يتبين حملها ثم يطلقها، وأن يطلقها تطليقة واحدة فقط، كما قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف. وإنما يفعله بعض الناس من تصرف أهوج، فيبادر لتطليق امرأته لأدنى سبب بلا روية ولا تفكير ومشاورة وتحكيم، بل ويقع فيما هو أكبر وأشنع، فيبادر لإخراج المسكنة من بيته بلا رحمة ولا رعية وعشرة، ويغفل المسكين أن الله حرم إخراجها من بيتها إذا طلقت حتى تنقضي عدتها. يقول تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا انقضت عدتها خرجت من بيته إلى بيت وليها بلا تعد ولا إجحاف، فقد قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فجعل الله تعالى العشرة والوفاق بالمعروف، والطلاق يعني والفراق بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومراعة لأصل العلاقة بينهما. فلنتق الله عباد الله في بيوتنا، ولنحرص على حفظ المودة والرحمة والوفاق وحسن العشرة بيننا، وأن تدوم لنا السعادة والراحة والسكينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que Allah Azza wa Jal, il a plusieurs grâces sur les créatures, et parmi ces grâces, il y a la grâce du mariage, qui fait partie de ces signes. Parce qu'il dit dans le Coran ce qui signifie, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé pour vous, et à partir de vous, des épouses, pour que vous demeuriez auprès d'elles, en tranquillité et en sérénité. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Et donc le lien du mariage, il doit être établi sur l'amour, sur la miséricorde, pour que la relation entre l'époux et l'épouse demeure et persiste sur la justice et sur le bien, et sur la bonne entente et sur la bonne relation entre le mari et sa femme. Malheureusement, on voit que dans notre communauté, il y a de plus en plus des conflits, des disputes et des problèmes entre le mari et sa femme, de l'injustice de la part du mari envers sa femme, ou du mauvais comportement de la part de la femme envers son mari, ce qui amène à toutes sortes de disputes et de conflits et de problèmes qui amènent par la suite à des divorces. Et ça, c'est quelque chose qui est un constat. Et c'est triste de constater à quel point les problèmes sont nombreux et comment on reçoit de nombreux appels de la part de différentes familles et des gens qui ont des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux. Alors c'est très important de se rappeler de nos règles et de nos principes islamiques. Déjà en commençant par le fait de bien choisir la femme qu'on épouse en partant, de la choisir avec les bonnes qualités et les bonnes conditions et les bons principes. Parce qu'on choisit non seulement une femme pour nous, non seulement pour nos désirs, parce que j'ai l'impression parfois que certains, ils veulent se marier uniquement pour assouvir leurs passions et leurs désirs. Et il ne regarde pas plus loin que ça. Or, la femme que tu vas épouser, ce n'est pas seulement une femme avec qui tu vas pouvoir assouvir tes passions et tes désirs, mais aussi elle sera la mère de tes enfants. Elle sera celle qui s'occupera de ton foyer. Elle sera celle qui va les éduquer. Alors, il faut qu'elle ait un certain nombre de qualités. Il faut qu'elle ait un certain comportement pour être capable d'inculquer à ces enfants-là la religion et le comportement noble et la noblesse de l'islam. Et la même chose pour la femme, lorsqu'elle cherche un mari. Ce n'est pas juste de regarder son apparence, de savoir s'il est beau ou s'il n'est pas beau, de savoir s'il est musclé ou s'il n'est pas musclé, de savoir s'il est fort ou s'il n'est pas fort, si la personne n'a pas un bon comportement et une belle religion, et s'il est correct, quelle sorte de père il va être pour tes enfants, et de voir est-ce qu'il va leur inculquer la morale et les règles islamiques, et leur donner la bonne éducation islamique, pour savoir que les enfants vont être élevés dans la foi et la piété, et non dans la désobéissance et dans la transgression. Et qu'on ne va pas juste s'occuper du bien en ce qui concerne les aspects matériels de l'éducation de l'enfant, à savoir qu'il ait quelque chose à manger, qu'il ait quelque chose à porter, qu'il ait un toit sur sa tête. Mais avant tout, et ce qui est plus important que ça, c'est de savoir qu'il a une éducation qui va lui permettre de grandir dans la foi, d'avoir un bon comportement et d'avoir un attachement à sa religion. Et de voir également la famille, l'importance de la famille de la femme, la famille du mari, et de savoir que c'est une famille qui est sur la droiture et sur la justice. Parce que la pomme, elle ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc si l'arbre, il est mauvais, le fruit va être mauvais. Illa ma rahim Allah. Excepté celui pour qui Allah a fait miséricorde. Il y a des exceptions, mais sinon, en général, c'est la règle. Bien choisir. Et ensuite, une fois que le mariage a eu lieu et qu'on a choisi la bonne femme, le bon mari, eh bien d'agir selon les comportements et les règles de l'islam avec notre femme et avec la femme avec son mari. Parce que après un certain temps, dans le mariage, certains époux, ils commencent à se connaître et à être familiers l'un envers l'autre, mais parfois ils oublient certaines règles de respect, certaines politesses l'un envers l'autre. Et donc, ça c'est très important que cela doit rester tout au long de ce mariage, tout au long de cette relation, la façon dont on s'adresse à l'autre avec respect et avec patience. La personne que tu vas épouser, que ce soit la femme envers son mari ou le mari envers sa femme, sache qu'il ne va pas être parfait. Parce que personne n'est parfait. Et donc, d'une certaine façon, il faut être capable d'endurer certains des défauts de ton partenaire. Et savoir qu'il ne va pas être 100% parfait. S'il y a des péchés ou des désobéissances, il faut donner la nasiha avec douceur, avec sagesse, avec bonté pour Allah et pour que Allah Azza wa Jal rapproche la personne de la vérité. Donc, être patient dans la nasiha. Et s'il y a des péchés, tu corriges. Si c'est des questions qui n'ont pas rapport avec les péchés et les désobéissances, mais des questions d'habitude, ou certains goûts que la personne a qui nous déplaît, ou certaines façons de se comporter qu'on n'aime pas, alors il faut apprendre à gérer ça. Il faut apprendre à comment agir vis-à-vis de ces choses-là. Est-ce qu'on est capable de fermer les yeux devant certaines choses et d'endurer pour Allah et de pas être à cheval sur chaque petit détail de ce qui nous déplaît, commencer à essayer d'attaquer l'autre. Il y a des choses qui méritent qu'on les laisse passer et qu'on ne soulève pas chaque petit point dans le but de faire une dispute ou une histoire ou des problèmes. Et aussi de savoir communiquer avec l'autre. S'il y a un problème, de le dire à l'autre de façon claire et précise. Parce que parfois, Le mari, il y a quelque chose qui lui dérange, mais il n'ose pas le dire. Ou bien la femme, il y a quelque chose qui la dérange, elle ne veut pas le dire directement, alors elle utilise d'autres prétextes pour faire des problèmes. Et aussi, des fois, ça a rapport avec les droits du mari par rapport au lit. Ou la femme, de son côté aussi, qui a ses droits sur ce plan-là, et que le mari, il ne lui donne pas ce droit. Ou il la délaisse, ou il l'ignore, ou il la néglige. Toutes ces choses-là sont des causes de problèmes dans les couples. Et donc, il faut vraiment revenir à l'islam, revenir au Coran, revenir à la Sunna, pour apprendre à corriger nos problèmes et à gérer nos problèmes, pour que l'harmonie reste dans les couples et pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Et de, c'est pas à la première petite dispute, tu dis je veux me divorcer, donne-moi mon khola, je veux le talaq. À chaque fois tu menaces ton mari et tu lui rappelles toujours ça, divorce-moi, je veux partir. Et le mari, des fois, la même chose, il menace. Si tu continues, je vais te divorcer. Et il lui lève toujours cette épée-là sur sa tête. Est-ce que ça, c'est le comportement du musulman? Non. Le divorce, tu devrais pas le mettre dans ta bouche, ce mot-là. Tu devais même pas l'utiliser comme une menace. Parce que c'est pas une menace. Si tu veux le faire, tu le fais. Pour des bonnes raisons. Après avoir bien discuté. Après avoir bien consulté les gens, après avoir essayé de faire la réconciliation, lorsqu'il y a des problèmes, c'est pas tout de suite comme ça sur la colère tu divorces et sans même connaître les règles. Beaucoup de maris divorcent sans même connaître les règles du divorce. Ils savent pas que ils ont pas le droit de divorcer la femme quand elle a ses règles. T'as pas le droit de la divorcer, c'est haram, c'est un péché. Si quelqu'un il prononce le divorce sur sa femme quand elle a ses périodes de menstruation, c'est haram, c'est un péché. Tu n'as pas le droit. Et si elle a terminé sa période de menstruation, et que toi tu as un rapport sexuel avec elle, après avoir eu ce rapport-là, tu n'as plus le droit de prononcer le divorce. Jusqu'à la prochaine période de menstrue, et qu'elle se soit purifiée. Beaucoup de maris ne savent pas ça. Et il se divorce ou il prononce le divorce sur impulsion, par colère, sans réfléchir. Et après, il vient voir l'imam et il dit à l'imam, j'étais dans la colère. Et si c'est une colère ordinaire, une colère comme tout le monde a, c'est une colère qui n'empêche pas que le divorce compte. Et tu sais que tu as trois fois. Tu peux divorcer ta femme une fois et tu peux la reprendre pendant les trois mois, les trois périodes de menstrues, les trois périodes de menstrues qu'on appelle la idda. Tu peux la reprendre pendant cette période. Et si tu la divorces une deuxième fois, tu peux encore la reprendre pendant les trois périodes de menstrues. Mais si tu la divorces une troisième fois, tu ne peux plus la reprendre. Jusqu'à la fin de la idda, et après, elle se sépare complètement de toi, et tu ne pourras plus jamais la remarier, sauf si elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, et après que cet homme-là, qui l'a remariée, a décidé de la divorcer plus tard, si jamais il décide de la divorcer, et que toi, à ce moment-là, tu veux la reprendre, là, tu pourras la remarier avec un nouveau mariage. Mais les gens, ils savent pas. Il y en a qui ont divorcé leur femme plus que trois fois déjà. Et ils vivent avec elle encore, dans le zina. Et ils savent même pas qu'ils sont dans le zina. Et ça, c'est haram aussi. Nasallahu al-afiyah. Il y en a qui prennent le divorce comme une blague. Comme ils jouent avec ça. Nasallahu al-afiyah. Donc, il faut vraiment faire les choses et prendre les choses au sérieux sur ce sujet-là. Parce que ça devient grave. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم